Je voudrais savoir quelle affaire peut arrêter monsieur quand je le fais appeler. Je m'étais sali en tombant. Je me changeais, monseigneur. Faut-il une heure? Il faut le temps. Les domestiques ici sont plus longs à s'habiller que les maîtres. C'est qu'ils n'ont point de valet pour les y aider. Je n'ai pas trop compris ce qui vous avait forcé tantôt de courir un danger inutile en vous jetant. Un danger? On dirait que je me suis engouffré tout vivant. Essayez de me donner le change en feignant de le prendre, insidieux valet. Vous entendez fort bien que ce n'est pas le danger qui m'inquiète, mais le motif. Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renversant tout, comme le torrent de la Moraine. Vous cherchez un homme, il vous le faut. Vous allez briser les portes, enfoncer les cloisons. Je me trouve là par hasard. Qui sait dans votre emportement si vous pouviez fuir par l'escalier. Et vous, me prendre au corridor. Au corridor? Je m'emporte, et je nuis à ce que je veux savoir. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Figaro. Laissons cela. J'avais quelque envie de t'emmener à Londres. Courrier de dépêche. Mais, toute réflexion faite, monseigneur a changé d'avis. Premièrement, tu ne sais pas l'anglais. Je sais Goddam. Je n'entends pas. Je dis que je sais Goddam. Eh bien, diable, c'est une belle langue que l'anglais. Il en faut peu pour aller loin. Avec Goddam, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter de bon poulet gras? Entrez dans une taverne et faites seulement ce geste au garçon. Il tourne la broche. Goddam, on vous apporte un pied de bœuf salé sans pain. C'est admirable. Aimez-vous à boire un coup d'excellent Bourgogne ou de clairé? Rien que celui-ci. Il débouche une bouteille. Goddam, on vous sert un pot de bière, en bel étain, la mousse au bord. Quelle satisfaction! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trot en menu, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillant un peu des hanches? Mettez mignardement tous les doigts unis sur la bouche. Ah, Goddam, elle vous sangle un soufflet de crocheteur. Preuve qu'elle entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant. Mais il est bien aisé de voir que Goddam est le fond de la langue. Et si monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne? Il veut venir à Londres, donc Suzanne n'a pas parlé. Il croit que je ne sais rien, travaillons-le un peu dans son genre. Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tour? Ma foi, monseigneur, vous le savez mieux que moi. Je la préviens surtout, et la comble de présent. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. C'est ton gré du superflu, à qui nous prive du nécessaire. Autrefois, Figaro, tu me disais tout. Et maintenant, je ne vous cache rien.